mon vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans Comment ça va ? Le podcast qui prend de tes nouvelles, qui brise un peu la solitude, essaye de te déconfiner et de t'emmener voir et écouter ailleurs. Chez le voisin, la voisine et chez ceux que tu ne connais pas. Sophie, confinée chez elle, à Saint-Pourçain. Mais si, vous connaissez Saint-Pourçain, il y a du bon vin là-bas. Enfin bref, Sophie, professeure de musique, nous raconte comment s'organiser avec 15 classes, un seul écran et une connexion inéquitablement accessible pour les élèves. Coucou, bonjour, amis confinés. Alors moi, à 3 semaines du confinement, la routine s'installe à la maison entre la partie boulot et la partie vie privée. Seulement le boulot prend beaucoup de place, je trouve. J'aime mon métier d'enseignante, mais là, j'ai les yeux qui deviennent carrés et le cerveau en compote. Quant au mal de crâne, j'en parle même pas. Heureusement, je peux sortir. Pas longtemps, 20 minutes, pour prendre l'air avec mon attestation en poche, bien sûr. Quand tu sors, pas de soucis de voiture. Tu peux marcher sur la route, tu ne rencontres personne. C'est pire qu'un dimanche, c'est presque angoissant. Au début du confinement, je me suis dit qu'après mon boulot, je pourrais prendre un peu de temps pour moi. Lecture, télé, rangement, maison, il y en a besoin. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. La première semaine a été la plus pure folie. En tant qu'enseignante disciplinée et consciencieuse, bien que certains disent et pensent le contraire, je me suis connectée. Enfin, j'ai essayé. Et oui, tout le monde était connecté et rien ne fonctionnait. Prof de musique en collège, ok, bon alors, on fait comment quand une grande partie de ton enseignement se fait à l'oral? On fait comment pour chanter tous ensemble, pour préparer des parties rythmiques, échanger avec les élèves? On se creuse la tête et on passe ses journées à remodeler ses cours pour que tous les élèves, même ceux qui ne peuvent pas se connecter, puissent suivre. Tu passes un temps fou à mettre par écrit ton cours, tout ce que tu dis à l'oral, sauf que tu n'as pas tes élèves en face de toi. Il y a bien des solutions pour travailler en visio avec tes élèves, mais il faut que tous les élèves aient un ordinateur, une connexion, et puis ils ne sont pas les seuls à l'utiliser, cet ordi, dans la maison. Tu fais tout ça. Et tu penses à celui qui est en plein décrochage. Tu sais que très bien qu'il n'ira pas de lui-même demander. Et là, tu dis merci aux collègues responsables des classes qui passent leur temps, en plus de leur boulot, à téléphoner dans les familles pour savoir si tout va bien. Moi, perso, je le fais pas. 15 classes avec une moyenne de 30 élèves, ça fait 450 élèves, c'est pas gérable. Par contre, j'échange des mails avec eux. Parlons-en des échanges de mails. On pourrait être devant l'ordi toute la journée, si on le voulait, entre les élèves, les collègues, les parents. Alors je me suis imposé une certaine discipline. La semaine, je bosse, mais le week-end, je ne parle plus boulot. Enfin, en gros, facile à dire, pas simple à faire, parce que, bah oui, on a notre conscience et on se dit, et si j'ai un élève qui a besoin d'infos ce week-end, alors tu regardes quand même un peu tes mails. Quant aux nombreux concerts qui étaient prévus avec mes élèves au collège, tout est annulé. Ils avaient bien bossé, ils étaient super motivés, et là, malheureusement, impossible de reporter à l'année prochaine. Pour mes choristes adultes, bah, ils bossent seuls avec leurs fichiers son. Les concerts, heureusement, seront reportés, et nous échangeons des messages pour avoir des nouvelles. Alors, oui, tout ce que je viens de dire, beaucoup le vivent comme moi, mais moi, je ne suis pas obligée de partir au boulot tous les jours en me demandant si je ne vais pas l'avoir, cette saloperie de virus, et surtout si je ne vais pas contaminer ma famille. Alors même si je suis obligée de rester à la maison, si je râle un peu parce que j'ai mal au crâne et que j'ai les yeux carrés à force de regarder mon écran, je dis un grand merci à tous les soignants qui se dévouent corps et âme pour nous sauver et toutes les personnes qui font tourner le pays même au ralenti. Et je reste chez moi.